Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Nous sommes le mardi 9 juillet et je suis Marilène Karam en studio aujourd'hui pour le bulletin d'information de 13h45. Et tout de suite, les titres. Une chaleur écrasante accompagnée d'un taux d'humidité élevé s'abat ce mardi encore sur une partie du Japon. La population est appelée à la prudence face au risque de coups de chaleur. Une série d'attaques russes en Ukraine a causé la mort de 37 personnes. Un hôpital pour enfants et des bâtiments résidentiels ont notamment été ciblés. L'OTAN et ses partenaires de l'Indo-Pacifique, dont le Japon, veulent renforcer la coopération en matière de sécurité pour faire face aux cyberattaques et à des problèmes liés aux technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle. Une chaleur caniculaire, comme je vous le disais en titre, accompagnée d'un taux d'humidité élevé, continue de s'abattre sur une grande partie du Japon ce mardi. L'agence météorologique et le ministère de l'Environnement ont émis des alertes aux coups de chaleur dans certaines parties de l'est, de l'ouest et du sud-ouest du Japon. L'ensoleillement va faire grimper les températures sur la côte pacifique du Kanto au sud du pays. Ces zones sont éloignées du front de pluie saisonnier qui stationne désormais près du nord du Japon. Les températures en journée devraient atteindre 37 degrés Celsius à Ohase, dans le département de Mie, 36 degrés dans le centre de Tokyo et dans les villes de Shizuoka et de Miyazaki, et 35 degrés à Fukuoka. Des cas de décès liés à des coups de chaleur ont été signalés ces derniers jours. La population est appelée à éviter de sortir autant que possible, à utiliser les climatiseurs, à s'hydrater et à faire le plein de sodium. Et on part en Ukraine où l'armée russe a lancé une série d'attaques meurtrières. Un hôpital pour enfants à Kiev a été gravement endommagé. 37 personnes sont décédées. Kiev, mais aussi les régions orientales de Dnipropetrovsk et Donetsk ont été durement frappées lundi. Dans la capitale, des bâtiments, dont des immeubles résidentiels, ont été touchés par des missiles dans 7 quartiers du centre-ville. Selon les autorités, 22 personnes sont décédées et plus de 70 autres sont blessées. L'hôpital pour enfants Okhmadits de Kiev a également été ciblé. Les services d'urgence ont indiqué que la frappe avait fait 2 morts et plus de 50 blessés. Les services de sécurité ukrainiens affirment que la Russie a frappé l'hôpital avec un missile de croisière. Un médecin qui se trouvait sur place a raconté à la NHK qu'il avait entendu une forte explosion et que des vitres brisées lui étaient presque tombées dessus. Son collègue médecin est décédé. Pour lui, cette attaque constitue un acte criminel grave. Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi sur les réseaux sociaux que les forces russes avaient frappé des installations de l'industrie militaire ukrainienne et des bases aériennes avec des armes de précision à longue portée. Le ministère a ajouté qu'il s'agissait d'une réaction aux tentatives de l'Ukraine d'attaquer des infrastructures énergétiques en Russie. 30 des 38 missiles russes lancés ont été interceptés par l'armée de l'air. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné cette attaque qui, je le rappelle, a aussi endommagé un hôpital pour enfants de Kiev. Monsieur Guterres a fait savoir via un porte-parole que les attaques de missiles contre cet hôpital pour enfants et un autre établissement médical sont, je cite, « particulièrement choquantes ». Il a déclaré, je cite à nouveau, « diriger des attaques contre des civils et des biens de caractère civil est interdit par le droit international humanitaire et de telles attaques sont inacceptables et doivent cesser immédiatement ». Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir d'urgence mardi pour discuter de cette question à la demande de la France et d'autres pays. La Russie préside le Conseil ce mois-ci. C'est la deuxième partie de ce bulletin. Les dirigeants de l'OTAN et de ses partenaires dans la région Indo-Pacifique vont convenir de renforcer leur coopération pour faire face aux cyberattaques et à d'autres problèmes susceptibles de nuire à la sécurité. Le Premier ministre japonais Kishida Fumio et les dirigeants de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande devraient en effet participer jeudi au sommet de l'OTAN aux États-Unis. D'après des sources gouvernementales japonaises, il prévoit de renforcer la coopération pour répondre aux problèmes liés aux cyberattaques, aux fausses informations et aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Monsieur Kishida espère que le renforcement des liens avec l'OTAN conduira à la paix et à la stabilité autour du Japon. Il estime que la sécurité de l'Europe est indissociable de celle de l'Asie, compte tenu des activités russes et chinoises. Le Premier ministre japonais doit se rendre en Allemagne pour des entretiens avec le chancelier Olaf Scholz après le sommet de l'OTAN à Washington. Les deux dirigeants devraient convenir de renforcer la coopération bilatérale à travers un nouveau cadre de sécurité économique qui inclurait l'établissement de chaînes d'approvisionnement en minéraux clés dans un contexte de coercition économique chinoise. Et puis en Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a assisté à la commémoration du 30e anniversaire de la mort de son grand-père Kim Il-sung, considéré comme le fondateur du pays. Selon la télévision centrale coréenne, l'événement a eu lieu lundi sur la place Kim Il-sung à Pyongyang. Kim Jong-un était vêtu d'un costume noir. Un haut responsable du Parti des travailleurs au pouvoir a prononcé un discours dans lequel il saluait la transmission héréditaire du pouvoir depuis 3 générations. Il a noté que c'était une tradition unique à la Corée du Nord qui perpétue l'idéologie de son dirigeant de la manière la plus pure et la plus parfaite. Seul le portrait de Kim Jong-un figurait sur les nouveaux badges arborés par les officiels qui sont apparus pour la première fois le mois dernier. Cela semble être un signe de la confiance que Kim Jong-un a en son propre règne, qui dure depuis plus de 10 ans. Les médias sud-coréens ont souligné que la cérémonie s'était déroulée de manière conventionnelle. Des rumeurs laissaient pourtant entendre qu'elle serait écourtée dans le cadre des efforts du dirigeant nord-coréen pour renforcer le culte de sa personne. Pour les experts, il peut s'agir, pour Kim Jong-un, d'une tentative de mettre en avant la légitimité du système héréditaire afin de consolider sa propre autorité. Et on reste en Asie. Pour finir, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des Philippines et du Japon ont convenu de coopérer plus étroitement pour faire face à la situation en mer de Chine orientale et méridionale. Ces discussions interviennent alors que la Chine s'affirme de plus en plus dans ses eaux. Le chef de la diplomatie philippine, Enrique Manalo, et le chef de la défense, Gilberto Teodoro, ont tenu une réunion dite 2+2 avec leurs homologues japonais, Kamikawa Yoko et Kihara Minoru, lundi à Manille. Ils ont réaffirmé leur opposition aux tentatives unilatérales de modification par la force du statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale, en référence apparente au comportement de Pékin. Le Japon a soutenu les efforts déployés par les Philippines pour résoudre pacifiquement les conflits en mer de Chine méridionale. Lors d'une conférence de presse conjointe, le ministre philippin des Affaires étrangères, M. Manalo, a déclaré « Nous réaffirmons notre objectif commun d'assurer la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique, de promouvoir la croissance économique régionale et de relever les défis de plus en plus nombreux et complexes dans la région et au-delà ». La ministre japonaise des Affaires étrangères, Madame Kamikawa, a quant à elle indiqué « Nous avons confirmé notre coopération pour maintenir et renforcer un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit, promouvoir la coopération en matière de défense et traiter des questions régionales et internationales. » Et voici un bref rappel des titres avant la fin de ce journal. Une chaleur écrasante accompagnée d'un taux d'humidité élevé s'abat ce mardi encore sur une partie du Japon. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à l'écoute du service français de NHK World Japan.